J'fais le tri de mes potes, la balance a cassé. Le poids des traites, baisse des tonnes. J'pouvais plus avancer. J't'appelle plus, ça t'étonne. Fallait y penser, j't'ai tout donné. Mon respect, t'as tout dépensé. J'préfère une parole à 10 000 promesses. Ma butinesse, que 10 000 connasses. J'porte mon cœur, moi, pas de couronnesse, non. C'est quand t'as rien que tu vois ce qui reste. Le platiné d'or, papa, papa, papa, papa. J'porte la flamme au vieux port, papa, papa, papa, papa. Et j'enchaîne les records, papa, papa, papa, papa. J'peux pas mettre tout le monde d'accord, papa, papa, papa, papa. J'ai fait beaucoup d'insomnies. J'me nique la santé dans la fufu. Tu sais très bien que là où on vit. C'est interdit la susu. Faux voyou, fais pas le gros t'as zéro. Faites-lui la boca, lui il a trop la boco. Oh fils de pute t'es jaloux, j'suis à la casse au cas où. Des fois je sers pour elle ou c'est une histoire de cambou. J'ai plein de copines, en vrai j'préfère mon pétou. Des fois j'suis qui et j'suis dans mon tête, j'oublie tout. Et toi tu parles trop, mais devant t'assumes jamais. Fais pas le patron, j'mets ta sœur sur le jarret. J'pense à avant, j'en pleure tous les soirs. J'fabrique du courage, je le transforme en espoir. J'ai des cesses qui peuvent te tresser les poils. J'suis un mec de la rose, j'écris au pic de l'étoile. L'homme, au final c'est tout ce qui reste. Le bonheur ça passe plus vite que la tristesse. J'ai un grand sourire, c'est des mauvais payeurs. Vaut mieux être juste qu'être le meilleur. Ça paie en Prada comme le diable. Parler sincère à une bouteille de Jack. C'est pour ceux qu'on aime compris. Qu'on touche du bois comme fraîche et au pire. Le ciel est beau, même vu du métard. TN, opération des guitares. J'suis Marseille, j'suis le passé, j'suis la relève. Peuvent tuer le rêveur, mais elle pas le rêve. Elle est dans le ghetto. Elle aime les haras du guettage. Elle vise les civils dans le rétro. Elle se met sous vos dans des états. Le temps passe, les soucis m'appellent. C'est vrai que j'suis tombé, mais je me suis relevé, elle m'appelle. J'suis à la casse, j'suis mon péto. Y'a les civils, les gens. Tu fais le gros chez toi, mais chez nous, ouais, t'es tout Jean-Jean. J'fume la frappe caramelo, sa bibi pipe Kenya. C'est la tourca sur le tampon, t'as reconnu Bendero. Toi, tu veux qu'on reste là. Chacun son destin. J'te souhaite la baisse là. J'ai tout donné, maman est couronnée. Ça y est, j'ai tout donné, maman. Maman, j'ai tout donné, maman est couronnée. Ça y est, j'ai tout donné, maman. Bugut, Kali, j'en plus mon bout. Ami ou ennemi, y'a plus beaucoup. Que droit dans le vélo, Euro ou mélo. Le tour est joué, j'maîtrise le tout. Bugut, Kali, j'en plus mon bout. Ami ou ennemi, y'a plus beaucoup. Que droit dans le vélo, Euro ou mélo. Le tour est joué, j'maîtrise le tout. J'ai vécu la cahier comme jamais, affronter le danger, le désir de mes démons sans cesse. Sans vie, full black, mon cœur est opaque. On fait pas la reggae pour diger de cesse. La fitna, la fitna, la fitna, le peura me bousille mon frérot. Personne va m'enterrer en balle, même si je fais 4 platines. Roro, ce couche tard en septard, à peine de chuquiller. Je viscère les zombies, affronte des peupliers. Merci au J, Kaboulé, Ganté, c'est sans V, c'est Marseille, c'est Herbel, PD. Pas la même vie, pas les mêmes peines, pas le même cœur, pas la même haine. Aucune émotion sous la cagoule, gros. Changement météo. Un cagoule sur un tom-tom. Ça résonne jusqu'au tom-tom. J'disparais comme un fantôme. Y'a plus de putes, y'a plus trop d'hommes. Au quartier Sinaloa. Ici c'est la Loa. Cali, j'fais un convoi. Colis reçu, j'récupère l'eau. On se réveille au bruit des pam-pam. Passe pas chez nous, ça pim-pim. Faut voir ce taille loin d'ici. Mérite une vie dans les îles. On se réveille au bruit des pam-pam. Passe chez nous, ça pim-pim. Faut ce taille loin d'ici. C'est la crapulerie pour très organisée. La crapule c'est ghetto, y'a déjà tout le monde qui sait. Ça vient de la street, ça va jeter la C. A tout moment y'a les Schmitt, faut serrer les lacets. Opération en place nette, on a déjà tassé. On a trop taffé. Ça fait des bébêtes, on a pas attendu d'être sur le net. C'est la crapulerie, c'est pour les frères de la rue. Qu'est-ce qu'ils font tous les jours, la garde à vue. Ils font des tours devant la tour, en état à l'affût. Au moins une gros rare, y'a tout le monde qui fuit. Des méchecs qui la gâchent, je la mets en Lulu comme Rivaldo gaucher. Un caviar bien donné, le con il la cacha. Pas assez gourmand, il zin, il la cacha. Oh merde, que du gâchis. Pas un tic de l'œil comme Takeshi Kitano. Ficelle une lame, coupe ton doigt pour le pardon. Effacer une âme, puis nettoyer le bordel. Ma life c'est le bordel. Vente de stupé, vente de bordel. On mène des sales vies, plus dans le bloc à midi, je suis seul. J'suis dans la caisse noire. que mon cœur il est tout noir. Et même en gun il est tout noir. À la fin on finit dans un trou noir. L'OPJ pose trop de questions. Et mon cherche un studio pour une session. Et je suis dans la tête et ça vend le shit. La coque et la bœuf à côté le lit. Il est à 1002, tu dépasses le périph, tu vas ralasse. Y'a tous les petits qui m'attendent au Dallas. Ça shoot shoot comme Pop Smoke. Ça se prostitue comme à Bangkok. Dans le CV y'a que des piranhas. J'suis dans le biz, maman fait des doux à toute la night. Ça tire comme à Tijuana. Pour pas un euro, bébé j'suis pas Roméo. J'suis pisté par la stup, tous les trois jours change de numéro. Toi, tu veux qu'on reste là. Chacun son destin. J'te souhaite la best là. J'ai tout donné, maman est couronnée. Ça y est, j'ai tout donné, maman. J'ai tout donné, maman est couronnée. Ça y est, j'ai tout donné, maman. Je maîtrise le tout.